La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Selon les estimations, il existe sur notre planète plus de 400 millions de personnes appartenant à des peuples autochtones, successivement appelés Premières Nations, peuples indigènes ou aborigènes. Les peuples autochtones sont parvenus à survivre en préservant leur identité, leur culture, leur langue et parfois leur territoire. Et malgré une reconnaissance des Nations Unies, ces peuples vulnérables doivent faire face à de nombreuses pressions pour maintenir leur existence. L'élection de Jair Bolsonaro au Brésil est par exemple une très mauvaise nouvelle pour les Indiens d'Amazonie qui subissent le mépris de ce président. L'anthropologue Irène Bélier est spécialiste des enjeux de la mondialisation et du mouvement international des peuples autochtones. Elle est mon invitée dans un instant pour nous expliquer la réalité de ces personnes. C'est le dossier de la tête au carré avec vos messages et vos questions sur le site de l'émission. Vous nous rejoignez franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la une, Héloïse, on parle du phénomène des canicules marines. Et oui, parce que les canicules se produisent non seulement sur la terre, mais aussi dans la mer, avec des conséquences dévastatrices sur les milieux naturels. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous science grand format de France 5, rendez-vous documentaire consacré ce soir au Big Bang. Fanny Boyon est de retour aux commandes de l'émission qui a été préparée par Sophie Vaux. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Irène Bélier. Bonjour Mathieu Vidard. Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue. La question des peuples autochtones aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce qu'on appelle un peuple autochtone exactement ? Bien, les peuples autochtones, ce sont ces peuples qui ont été marginalisés par d'abord la colonisation, la conquête, et puis ensuite par la construction des États-nations, donc les États républicains, et ensuite les différentes formes d'États qui se sont mis en place. Donc ce sont des peuples sans État, et qui nécessairement ne revendiquent pas forcément l'État, mais qui ont revendiqué la reconnaissance d'eux-mêmes en tant que peuples culturellement distincts, avec des langues différentes, avec des manifestations culturelles, des expressions culturelles, et surtout un rapport au territoire absolument essentiel. Je donnais le chiffre tout à l'heure, 400 millions de personnes, c'est-à-dire qu'ils sont très nombreux en réalité. Ils sont très nombreux et en même temps, en tout petit nombre à chaque fois, ils sont répartis sur 90 pays environ, sur tous les continents. Et on a du mal aussi à les identifier parce que si les États n'ouvrent pas la catégorie peuple autochtone pour qu'ils puissent eux-mêmes s'identifier dans des recensements, et s'ils sont l'objet de marginalisation très forte, de racisme, ils ont tendance à être effacés, à être invisibilisés. Et on observe depuis que les Nations Unies ont pris en charge leur destin d'une certaine façon, en les écoutant d'abord et en négociant cette déclaration des droits des peuples autochtones qui a été adoptée par l'Assemblée Générale en 2007, un mouvement d'auto-affirmation qui est tout à fait important et qui permet en effet de reconnaître là où il n'y en avait pas des peuples autochtones. Oui. Parce qu'il y a des continents, des pays entiers, par exemple la Chine ne reconnaîtra pas la parole peuple autochtone ou l'expression peuple autochtone, elle dira minorité nationale, Shao Shu Minzu par exemple. En Inde, ça sera des peuples tribaux. Ou des tribus répertoriées, comme on dit, dans la constitution indienne. Ils sont présents, ces peuples, sur tous les continents, a priori ? Absolument, sur tous les continents, du nord au sud, de l'Arctique à l'Australie, en passant par l'Amérique, bien évidemment, mais aussi l'Afrique et l'Asie. Est-ce que chacun d'entre eux doit faire face à des pressions, justement, de toutes sortes ? Est-ce que c'est finalement une sorte de dénominateur commun de ces peuples aujourd'hui dans nos sociétés ? Absolument, c'est ce qui a, en effet, conduit, disons, les Nations Unies à identifier cette catégorie de peuples autochtones en partant au départ d'une réflexion dans les années 70 sur la marginalisation et la discrimination des peuples dans les Amériques. Et à partir de là, s'est fait un travail d'instruction qui a abouti à montrer que sur tous les continents, il y avait ce type de peuple qui était justement donc marginalisé et discriminé par les sociétés dominantes et marginalisé dans les structures même de l'État. Qui sont c'est-à-dire sur des gens sur la base desquels disons, la colonisation s'est appuyée, la conquête des terres s'est appuyée, et donc il fallait les effacer en quelque sorte de l'identité nationale. Alors avec vous, on va essayer de comprendre pendant l'émission la réalité justement de ces peuples, et puis aussi découvrir leur richesse, parce qu'il y a énormément de choses aussi à apprendre d'eux. Ils ont un rapport par exemple à la nature qui pourrait tout à fait nous inspirer aujourd'hui. Totalement, et c'est en fait qu'on est passé dans les 40 dernières années qui ont vu finalement la communauté internationale se saisir de la problématique peuple autochtone, d'une perception des autochtones comme victimes, a une perception de ce que ces autochtones-là peuvent apporter quelque chose en termes de savoir, en termes de connaissances sur la nature. Je rappellerai simplement un phénomène qui paraît peut-être anecdotique, mais à propos du changement climatique, les Inuits, donc qui sont les anciens Esquimaux... Oui, c'est ça, voilà. On parlera de la dénomination, hein, qui est très importante aussi. Ouais. On formé une alliance transnationale pour dénoncer justement pour les problèmes posés par le changement climatique. Donc on est en 72. Ouais. Voilà. Irène Bélier, vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages sur la question, dont le tout dernier, Le droit des peuples autochtones des Nations Unies aux sociétés locales, est paru aux éditions L'Harmattan avec vos confrères Laurent Lacroux et Leslie Clou. On va en parler dans un instant avec vous. Vous êtes l'invité de La Tête au Carré, puis vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. Aucun problème pour se mettre à l'eau et la tête la première. Cet été, la température de la mer n'a jamais été aussi chaude sur tout le littoral français. Le bonheur pour les vacanciers sur la plage. Ça fait du bien, même avec le petit garçon, on s'amuse bien, on en profite bien, donc c'est très très agréable. Ça a été fabuleux parce qu'elle faisait 30 degrés. Ah bah je suis rentré tranquille, hein. C'est plus agréable pour nous. Voilà, ils étaient aux anges, les vacanciers à la plage en août dernier, quand la température de l'eau atteignait des records. Mais pas sûr, Héloïse, que la faune et la flore des océans soient aussi ravis. Non Mathieu, c'est tout le contraire. Les épisodes de canicule marine sont un véritable drame pour les écosystèmes, d'autant plus qu'ils sont de plus en plus fréquents et intenses. Une étude parue cette semaine dans la revue Nature tire un bilan mondial sur ces événements climatiques extrêmes en milieu marin. On en parle tout de suite avec Philippe Curie, qui est avec nous en duplex depuis Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, président du comité scientifique de Monaco. Alors, est-ce que les événements climatiques majeurs en milieu marin, comme les canicules, c'est quelque chose de très étudié par les scientifiques, on en entend peu parler au final ? Alors, toute la chaleur qui est reçue par le soleil est absorbée par les océans, et on le voit. Alors, les touristes sont contents parce que les océans se réchauffent, mais c'est... Alors, il y a deux choses dans ce réchauffement climatique. Il y a d'abord un changement lent. C'est vrai que les températures augmentent d'une année sur l'autre. C'est progressif. On le voit depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Mais ça s'accompagne aussi par... donc, c'est l'objet, je dirais, de cet article, d'une chose qui était assez peu quantifiée. C'est tous ces événements extrêmes. Donc, ce qu'on appelle dans le milieu terrestre les canicules ou bien alors les pics de chaleur. Et donc, avec le changement climatique, ce qu'on observe, c'est que ces événements extrêmes se multiplient. Et il y a une courbe extrêmement significative qui est produite dans le papier, qui montre que depuis 1900, hein, jusqu'à 2000, on avait à peu près une trentaine d'événements extrêmes dans toute cette méta-analyse qui a été faite. Et aujourd'hui, on en a plus de 100. Et alors, juste pour préciser, une canicule marine, le mot a la même définition qu'une canicule terrestre, ce sont les mêmes critères ? On les définit de façon statistique, c'est-à-dire vous prenez les séries, par exemple la série de température, vous regardez la distribution des températures au cours des derniers siècles, et puis vous regardez tout ce qui dépasse dans un écosystème donné, donc un milieu tropical ou un milieu arctique, et puis vous regardez les valeurs extrêmes. Donc voilà, alors par exemple un milieu corallien, vous regardez les températures moyennes de 25 degrés, ça va jusqu'à 28, et puis il y a des événements extrêmes à 32, 33 degrés, et vous quantifiez finalement la durée de ces événements et leur fréquence. Alors dans quelle mesure justement la fréquence et l'intensité augmentent et depuis quand ? Alors elle augmente de façon, ça on le voit sur les courbes qui sont produites depuis les années 2000. On a une montée avec le changement climatique, une montée qui est presque, je dirais, exponentielle de ces événements qui étaient autrefois rares et maintenant qui vont devenir une habitude. Hein. Donc on est dans un monde qui se transforme et qui voit de plus en plus ces événements extrêmes. Alors les résultats sur la faune et la flore sont, je dirais, éloquents. Alors, tout d'abord, il y a tous les animaux qui peuvent pas se déplacer, qui subissent ces événements extrêmes. Alors, si vous les subissez pendant un jour, deux jours, trois jours, les oiseaux marins, les herbiers, les posidonies, les laminaires, tous les animaux qui vivent dans le fond et qui ont des capacités de déplacement réduites vont arriver. vont arriver. Mais ce dont on perçoit, c'est que dans les périodes récentes, quand les événements, comme je vous le dis, durent, ces événements sont fréquents sur une centaine de jours dans l'année, ça devient très très fréquent, et donc les animaux ne peuvent pas se déplacer et ils meurent, et donc ça on le voit sur la faune et la flore, qui ont subi des conséquences, je dirais, dramatiques, avec par exemple le blanchiment des coraux, ou encore les herbiers, tous les herbiers qui sont importants pour toute la dynamique de la biodiversité, qui meurent sur place. Et les animaux qui fuient d'ailleurs, parce qu'ils sont nombreux, c'est pas forcément gagné pour eux non plus, ils vont tous au nord, et est-ce qu'eux, ils s'en sortent mieux? Ben, ce qu'il y a, c'est... Il y a... Bien sûr, ceux qui ont une faculté à pouvoir se déplacer assez rapidement et de changer, ils essaient de persister dans le même habitat, c'est-à-dire avec des températures qui sont acceptables pour leur organisme. Ça fait l'objet de très très nombreuses publications en milieu marin et la vitesse moyenne de déménagement. Des poissons, par exemple, a été quantifié, c'est dans le rapport GIEC, c'est 72 km par décennie. Donc ce qu'on voit, on voit se déplacer, et notamment dans toute la zone intertropicale, toutes ces espèces de poissons qui peuvent plus supporter des températures plus élevées et qui se déplacent vers les pôles. Mmh. Alors ça, c'est pour les animaux qui arrivent, ils s'adapteront. Mais le problème, c'est par exemple le problème de l'accès, et notamment dans cette zone intertropicale. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique. En Afrique, vous avez des ressources qui bientôt ne seront plus accessibles aux pays qui dépendent de ces ressources pour leur sécurité alimentaire. Des conséquences sur l'activité humaine. Exactement. Allez, une dernière question, Héloïse. Alors, concrètement, ce sont les pays africains qui vont souffrir en premier. Qu'est-ce qui va se produire pour eux dans un futur proche? Ben, je vais juste vous raconter une série rapidement. Très vite. Voilà. Donc, par exemple, vous avez un événement extrême qui est El Niño dans le Pacifique. Cet événement-là, il a pour effet d'affecter grandement les anchois au Pérou. La Chine est très demandeur des anchois parce que tous ces anchois, ces millions de tonnes, c'est une des plus grosses pêcheries du monde, sont transformés en farine. Aujourd'hui, la Chine n'ayant plus, à cause de ces événements extrêmes, accès à cette ressource, se reporte sur les pays africains. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique de l'Ouest, vous avez 40 usines de farine de poisson qui sont construites en Mauritanie et au Sénégal, ce qui veut dire que les Sénégalais n'ont plus accès à cette protéine qui est tout à fait fondamental pour leur sécurité alimentaire. Donc ces événements extrêmes, vous voyez, dans le Pacifique, ont même des impacts économiques, sociaux, en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Philippe Curie, en tout cas pour ces précisions autour de cette publication parue dans Nature, Héloïse, sur les canicules marines en ce moment. Merci beaucoup et à demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'Université de Jérusalem qui a dévoilé une page manquante dans les écrits d'Albert Einstein. L'université vient d'acquérir une centaine de pages manuscrites du physicien, dont une fameuse page qu'elle pensait perdue. Elle est issue d'un article présenté à l'Académie royale des sciences de Prusse en 1930 sur la théorie du champ unifié. Selon l'université, cet article fait partie des efforts déployés par Einstein pour unifier les forces de la nature en une seule théorie, effort auquel il a consacré les 30 dernières années de sa vie. L'université hébraïque dont Einstein fut l'un des pères fondateurs, détient le plus important fonds au monde de documents sur le scientifique. La très grande majorité des compléments alimentaires destinés à améliorer la performance de notre cerveau ou à prévenir le déclin cognitif se révèlent inutiles, voire dangereuses. Ce sont les conclusions du magazine 60 millions de consommateurs qui a passé ses produits au crible. La supplémentation en oméga 3, par exemple, n'est pas utile. Ces acides gras, certes indispensables au bon développement cérébral, peuvent être facilement apportés par une alimentation équilibrée. L'association de consommateurs pointe aussi du doigt les dangers du ginkgo biloba, une plante dont l'intérêt n'a jamais été démontré et qui peut interagir avec les traitements anticoagulants, ou encore ceux de la caféine qui empêchent le bon processus de mémorisation. Et puis les belugas de l'Arctique s'adaptent mieux au réchauffement climatique que les phoques, du moins d'un point de vue alimentaire. Et bien c'est ce que nous explique une étude publiée hier dans la revue Biology Letters. Ces animaux chassent sur le fond glaciaire, la zone justement où les glaciers rencontrent l'océan. L'offre alimentaire de leur habitat se trouve profondément modifiée justement par l'arrivée de nouvelles espèces de poissons, on en parlait il y a un instant, poussées vers le nord par le réchauffement climatique. Les belugas, qui sont des petits cétacés blancs, ont fait preuve de flexibilité, ont modifié leur régime. Mais les phoques, eux, sont restés fidèles à leurs habitudes alimentaires et passent plus de temps à chercher à manger, ce qui reflète, selon les chercheurs, une adaptabilité et une résistance limitée qui mettent en péril leur survie. Les peuples autochtones, dossier de l'émission dans un instant. La voix de Jeanne Haddad. La tête au carré, Mathieu Vidard. Avec les peuples autochtones dans l'émission cet après-midi, on en parle avec vous, Irène Bélier, vous êtes anthropologue au laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales de l'EHESS et vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste, on le disait tout à l'heure, des enjeux de la mondialisation et du mouvement international des peuples autochtones. Et les auditeurs nous rejoignent donc avec toutes les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque, elles arrivent déjà. Jean-Paul, par exemple, demande quelles sont les origines de ces peuples autochtones. On peut commencer par ça, oui, effectivement. Mais c'est une bonne question parce que les peuples autochtones étaient là, en fait, avant l'arrivée des colonisateurs. Et donc, selon les pays dans lesquels ils se situent, la colonisation a lieu à des moments différents. Donc, les premiers peuples autochtones que l'on va pouvoir connaître et qui se rentrent dans l'histoire européenne, ce sont les peuples d'Amérique, du fait qu'effectivement, ce que l'Espagne a appelé découverte et que les Amérindiens appellent conquête, a fait rencontrer des conquérants avec des peuples qui étaient déjà là. Et donc, d'une histoire initiale et erronée, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on les a appelés tous indiens. Mmh. À partir de là, on a relégué la diversité immense des sociétés qui étaient là présentes au moment de la conquête à un seul domaine, c'est-à-dire à la fois indien, puis ensuite indigène, et puis les marques différentes du racisme, et on a fini par les traiter de manière tous pareille, alors qu'on a un grand nombre de familles linguistiques différentes, et mmh. vraiment des dizaines et des dizaines de peuples différenciés. Oui. Alors Irène Belli, il y a un auditeur qui m'a envoyé un petit message tout à l'heure en disant de bien appuyer sur le S et de faire la liaison des peuples autochtones. Alors au-delà de la consonance, qu'est-ce que ça dit de la question finalement ? Alors, c'est très intéressant parce que justement ce S a une valeur à la fois symbolique et c'est un marqueur de pluriel. C'est-à-dire ouais. que pendant tout le temps de la négociation qui a tenu les peuples autochtones en opposition avec les États pour obtenir des droits les concernant, ça a duré 25 ans aux Nations Unies, il y avait en anglais ouais. qui était la langue de négociation, disons, officielle, mmh. Une différence importante qui était faite entre deux vocables. L'un qui est people, qui renvoie à des personnes, et l'autre qui était peoples, qui renvoyait justement à cette identité plurielle. Et en 1993, lors de la conférence de Vienne sur les droits humains, il y a eu effectivement une manifestation des peuples autochtones pour brandir le S ouais. et dire nous sommes un collectif, nous C'est sommes ça. Ensemble au pluriel. Plus largement, cela renvoie également à cette idée de ce qu'ils avaient et ils revendiquaient et ils ont besoin de droits collectifs pour pouvoir être maintenus, en effet, pour pouvoir se maintenir plus précisément dans leur droit à exister. Et ce droit collectif s'agence autour d'un droit fondamental qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est cela qui a été reconnu en 2007 par la Déclaration des Nations Unies. Les peuples autochtones ont le droit à disposer d'eux-mêmes et donc ils ont le droit à à décider normalement de leurs priorités de développement. Donc elle est importante cette liaison. Elle est très importante. On essaiera de la faire au maximum, voilà. évidemment. Voilà. Dites-nous d'abord quels ont été vos terrains de recherche en tant qu'anthropologue, Irène Bélier. Alors moi j'ai commencé par faire une thèse sur les rapports entre les hommes et les femmes dans une société sans classe en Amazonie péruvienne où j'ai passé 4 ans. Et je suis arrivée dans un petit groupe de 500 personnes environ qui à l'époque étaient dénommés par leurs voisins, par le péruvien local, si l'on veut, orejones. Ce qui veut dire grandes oreilles. Et puis, pour diverses raisons qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de dévoiler ici, mais qui le principal était que ils étaient rescapés d'un moment de massacre, notamment lié à l'exploitation du caoutchouc et l'extraction de matière. On est là entre à la fin des années du 19e siècle jusque dans les années 1930, et les contremaîtres, les patrons caoutchouciers s'amusaient à leur trancher les oreilles. Donc quand je suis arrivée là-bas, il n'y avait plus que, dans les années 80, il n'y avait plus que deux anciens qui portaient ces grandes oreilles. Et donc je leur ai demandé leur identité. On discute, l'anthropologie, on est spécialiste un petit peu de ces questions de culture, d'identité, de relations de parenté. Et c'est là qu'ils m'ont fait ressortir le nom qu'ils se donnent eux-mêmes, entre eux, c'est-à-dire Maehuna, qui veut dire nous les êtres humains, mmh. et qui est le nom qu'ils ont récupéré depuis, puisque j'ai publié sur les Maehuna et pas sur les Orejones. Et ce mouvement-là, d'ailleurs, était quelque chose que l'on voit dans beaucoup de pays, notamment américains, mais pas que, de récupération des noms propres et pour sortir effectivement de ces appellations péjoratives dans lesquelles ils étaient tenus jusqu'alors. Ouais. Et ça, c'est un point important. Parce que Maehuna, finalement, c'est le nom d'un combat aussi. Voilà, c'est ça dans lequel beaucoup de ces peuples se reconnaissent. Hein. Bah peut-être, mais en même temps, chacun des peuples, d'une certaine manière, a une vision du monde et se voyait effectivement comme les humains et a donc un partage entre humains et nature que vous avez peut-être discuté à d'autres occasions, notamment avec Philippe Descola. Et donc c'est cette question de représentation du monde, nous et les autres. Donc voilà, j'ai fait ma thèse sur les Maehuna. C'est une thèse tout à fait intéressante, publiée en espagnol, de façon à ce que les Maehuna puissent éventuellement non seulement la lire, parce que la publication en langue française, etc., et puis s'en emparer, et puis que les autres chercheurs travaillant sur la région puissent s'en emparer. Puis après, pour des raisons variées, tenant au fait que j'étais pas recrutée encore au CNRS, j'ai travaillé sur d'autres domaines qui m'ont orientée vers l'anthropologie politique. Donc là, je suis passée de l'anthropologie culturelle à l'anthropologie politique, et j'ai fait un travail d'anthropologie sur les énarques, donc avec la question fondamentale qui était comment est-ce qu'on devient un chef dans ce monde-là, français, donc culture de proche. Et après, j'ai travaillé sur l'anthropologie de la Commission européenne, avec une autre question clé qui était comment est-ce qu'on fait un projet commun à partir de ces différentes cultures européennes. Et après avoir travaillé, donc c'est dans les, là on arrive dans les années 2000, donc à ce moment-là, je commence à je travaille sur la mondialisation et je suis les questions de multiculturalisme me préoccupent un petit peu. Et là, je suis sollicitée par un collègue qui est rédacteur en chef de la revue Recherche amérindienne au Québec de faire un dossier spécial sur la mondialisation. Et c'est là que je me dis, ben voilà, peuple autochtone et mondialisation, on va travailler sur les stratégies politiques. Et là, je m'empare effectivement de la question des Nations Unies où j'ai commencé à travailler en tant qu'anthropologue, en faisant du terrain d'anthropologue aux Nations Unies. Et c'est là que j'ai découvert le mouvement international des peuples autochtones et toute la complexité effectivement de ce mouvement qui est à la fois très organisé, très souple et très flexible et qui débouche sur la totalité des préoccupations du monde. Alors justement, vous avez, Irène Bélier, suivi les négociations préparatoires à l'adoption justement de cette déclaration des nations sur les droits des peuples autochtones qui date donc de 2007. On va aller au Quai Branly un an avant où avait été organisée une réunion, une rencontre avec trois membres de tribus autochtones différentes, de Guyane d'abord, de Nouvelle-Calédonie et du Canada ensuite. Voici ce qu'ils disaient eux-mêmes pour définir ce mot autochtone. Notre appellation a été tout d'abord les populations tribales, les populations primitives. Actuellement, en France, on nous appelle les communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. Et pour nous, Kalinyam, le terme seulement Kalinyam définit l'être humain. Et Kalinyam, il y a directement un attachement à la terre, au territoire et un ensemble de cultures qui vivent chez nous. Notre point de vue, c'est d'abord leur attachement à la terre, c'est-à-dire avoir le sentiment d'avoir un lien très fort qui renvoie à un espace, mais qui renvoie aussi à un ancrage dans le temps. C'est comme ça que les gens se définissent, c'est d'abord par la terre et la filiation, et ensuite par ce continuum qu'il y a entre les objets naturels dits inanimés et les objets animés que nous sommes. Mon père a toujours dit que un Innu, c'était l'être fondateur de la révélation de la terre et de ses composants. Ça veut dire tout ce qui se rattache à la biodiversité et tout ce qui rattache aussi au milieu humain qui compose la terre. Et les Autochtones sont les peuples fondateurs des grandes emprises territoriales que constitue la terre. Voilà, Irène Bélier, vous étiez d'ailleurs peut-être présente même en 2006 au Quai Branly au moment de cette rencontre, je ne sais pas, oui, mais vous y avez été beaucoup hein, avant. En tout cas, je connais les personnes la qui déclaration. Sont intervenues. Voilà, vous les connaissez. Voilà, ils interviennent beaucoup. D'ailleurs, ce sont des représentants au fond de leur communauté. Les trois personnes que nous avons entendues sont des personnes qui, en effet, sont représentants, mais surtout font partie de ceux qui naviguent à l'international pour essayer de porter la problématique des peuples autochtones au-delà de leur propre communauté. Il y avait Jean-Aubéric Charles, indien de Guyane, Emmanuel Casaréou, Kanak de Nouvelle-Calédonie et Raphaël Picard, amérindien du Canada, dont on entendait bien l'accent tout à l'heure. Ce dénominateur commun de la terre hein, qu'ils revendiquent tous les trois, c'est vraiment ce qui finalement relie aussi tous ces peuples hein. C'est absolument ce qui reliera tous les peuples et qui d'ailleurs convient avec un autre propos général, c'est-à-dire que les peuples autochtones vont dire « nous ne possédons pas la terre, nous lui appartenons ». Et donc c'est un discours fondamentalement différent de l'occidental qui a développé son droit positif sur la possession de la terre, la propriété, à partir duquel d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la conquête des Amériques, mais un des problèmes fondamentaux de la conquête des Amériques a été l'application de cette doctrine dite de la terra nullius, la terre de personne, parce que les personnes rencontrées n'avaient pas de titre à opposer. Et cette doctrine de la terra nullius s'est appuyée sur des bulles papales, la Romanus Pontifex en 1455 et la Inter Caetera en 1493, qui répartissaient entre les puissances coloniales de l'époque, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, le droit de conquête. Et à partir de là, s'est développée toute cette appropriation, cette spoliation foncière et ce racisme qui ensuite a découlé de cette spoliation foncière. La question des peuples autochtones, le dossier cet après-midi de la Tête au Carré. Ah bah toi t'es le plus beau, mais t'as jamais rien trop fait. C'est facile quand on vit pas grand chose et on ose effriter les trophées. Quand on est trop bien assis à juger les travaux finis, toi t'as tout dit, t'as rien pris, mais tu parles tout comme si, puis tu prônes t'es au-dessus que tout ça c'est de la rime à deux balles et demi mots que t'as même jamais l'utile. Continue de cracher, t'en auras presque plus de ta salive, j'en ferai des glisses à perte de vue. Après ça t'écriras quoi? Toujours tes problèmes à régler. t'étoufferas tes gros poids que t'essaies de faire porter, que t'essaies de tout cacher de l'écran où t'envoies des PD, des TG sans même savoir l'orthographier. Je resterai insensible, je resterai insensible face à tes cris sans moi, que tes cris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand ta voix. Il y a ceux qui proposent, il y a toi qui n'ose pas, qui reste dans son coin sans jamais faire de faux pas. Plus tu critiques, plus j'encaisse bien. J'aime savoir qu'il y en a qui ne mangent pas de mon pain. Plus j'étais jaloux que je ne passerai même pas l'hiver, que j'étais qu'un pélire ou sans dents et dans la galère. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire de moi, car je serai encore bien là quand t'auras tout dit de toi. Car je pense qu'il va falloir t'y faire, car je pense avoir bien plus pour te plaire. Car j'aime te faire couler de l'encre à t'en faire chanter, l'air qui te trottera dans la tête jusqu'à dire que t'en es. Je resterai insensible, je resterai insensible face à tes cris sans moi, que tes cris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies. Ça fait des BABA, des bien plus grands que toi. Ça fait un tabac qui se consume trop sans moi. Ça fait des blabla, juste du brouhaha qui je crois parle de moi, mais je ne m'y vois pas. Insensible, insensible. Je resterai insensible, insensible face à tes cris sans moi, que tes cris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies. Sensible, Eddy de Préto. La tête au carré. Irène Bellier, notre invitée, anthropologue avec nous pour parler des peuples autochtones et les messages des auditeurs sur franceinter.fr. Une question justement avant de passer à celle des auditeurs. Il y a toujours, par rapport aux habitants des pays occidentaux aujourd'hui, cette impression finalement que ces peuples sont très lointains de nous, qu'ils appartiennent à une sorte de monde exotique. Or, ce que vous dites dans vos écrits, c'est qu'au contraire, ils sont très très proches de nous et qu'il faut prendre conscience de ça aussi. Je crois qu'on est parti du point de vue, en tout cas européen, occidental, de l'idée qu'ils étaient très loin, parce qu'on les a construits dans la distance, on les a construits comme effectivement ces êtres qui vivaient dans des zones ces indigènes, hein, pour reprendre un peu ces indigènes. Et ce terme justement indigène est intéressant que vous le relanciez, parce qu'il a été réfuté par les autochtones francophones au moment de la traduction des travaux aux Nations Unies, et donc ça se développait en anglais sous le terme indigenous peoples, en espagnol pueblos indígenas, on peut accepter aussi en portugais la povos indígenas, mais en français ils ont refusé ce terme d'indigène du fait de statut inégal qui était lié à l'indigénat, politique de l'indigénat, notamment dans les colonies en Afrique du Nord et aussi au Vietnam et en Indochine, et qui considéraient que ces peuples-là n'avaient pas les droits égaux à ceux des citoyens de la métropole. Donc pas de droits civils et politiques en particulier. Ouais. Donc au moment de revendiquer des droits en tant que des êtres humains qui sont totalement humains et égaux à nous, ils ont préféré cette terminologie de peuple autochtone qui me paraît important à préserver, parce que lorsque l'on dit peuple indigène, nécessairement on introduit cette différenciation-là. Absolument, qui en français vraiment s'entend connotation, beaucoup. Hein. Voilà. Ouais. On ne parle plus de population autochtone non plus, c'est vraiment les peuples autochtones. Alors on parle des peuples autochtones pour référer en effet à leur identité globale, à leur identité singulière également, parce que lorsqu'on parle de population autochtone, comme on peut parler du peuple français et de la population française, de la même manière, lorsqu'on parle de population autochtones, on parlera des individus qui appartiennent à ces ensembles-là de peuples autochtones. Et ce qui se joue à travers la question de peuples autochtones, c'est la question de la reconnaissance dans les espaces, disons, publics, dans la législation, dans la constitution, dans les cadres juridiques et légaux qui vont pouvoir s'appliquer à ces populations-là. Alors, il y a un certain nombre de nominations, d'ailleurs, qui ont été abandonnées. Hein. On parlait des Esquimaux tout à l'heure. Il faut parler des Inuits, de la même façon qu'on ne parle plus des Lapons. Hein. Il y a une espèce de folklore qui est totalement rejeté aujourd'hui par ces peuples. Bien, c'est justement cette volonté de se réapproprier de sa propre identité. Et donc, c'est ça qui est un phénomène tout à fait important, qui a été un phénomène, disons, des catégories de la pratique. Ce sont des peuples qui, d'emblée, se sont appropriés leur identité. Donc, on dit plus en plus les Jivaros, ce sont les Chouars et les Achouars. Donc, tous les peuples sont passés comme ça par ces récupérations d'identité. Et aux Nations Unies, à propos de la Déclaration des droits des peuples autochtones, il n'y a pas non plus de liste qui va déterminer qui sont les peuples autochtones. Et la question est à la fois un croisement de l'autodétermination, l'autodéfinition de soi comme autochtone et la reconnaissance par le collectif de cette identité-là. Jean-Paul demande l'affaiblissement des peuples autochtones par l'apport des maladies. Est-ce que ça n'a pas contribué à décimer largement ces peuples ? Bien, Jean-Paul a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en effet, les premiers contacts qui sont... Voilà, c'est du 15e siècle, par exemple. 15e siècle dans les Amériques, mais c'est 18e siècle en Australie. Ça dépend effectivement. À chaque fois, c'est accompagné de vagues d'épidémies. Absolument épouvantables, qui réduisent la population locale à peu près 10% de ce qu'ils étaient avant l'arrivée des conquérants. Donc, on considère qu'il faut à peu près entre 6 et 7 générations pour qu'une population locale puisse être immunisée contre un certain nombre de bactéries, virus et autres sources épidémiologiques. Et donc, effectivement, les premiers temps, ce sont les maladies qui ont été des vecteurs, parfois involontaires, mais aussi parfois volontaires. C'est-à-dire qu'on a, jusque dans les années 60, on a connaissance de, par exemple, de distribution de vêtements et de différentes couvertures dont on le savait qu'elles étaient porteuses de germes, qui effectivement ont contribué à décimer la population à qui elle a reçu. François demande sur franceinter.fr s'il existe encore des peuples qui vivent totalement retirés et qui n'ont absolument pas de contact avec l'extérieur. Alors, on en voit des images de temps en temps. Est-ce que c'est la réalité ou encore des fantasmes? Non, c'est pas vraiment des fantasmes. On n'a pas non plus une connaissance parfaite de ces peuples-là qui s'appellent des peuples en isolement volontaire et qui, depuis une trentaine d'années, sont l'objet de processus de protection discutés aux Nations Unies, évidemment, discutés aussi dans un certain nombre de pays, avec quelques lois qui datent plutôt du début du 21e siècle pour essayer de protéger les grands territoires à l'intérieur desquels sont localisées ces populations-là. Donc on sait qu'il y a par exemple, on disait une centaine de peuples de peuples en isolement volontaire au Brésil il y a 35 ans, mais il y a 20 ans on n'en parlait plus que de 55, aujourd'hui on dit qu'il y en a 45. Ouais. Donc ça montre effectivement qu'à la fois ils sont contactés, qu'ils sont pris aussi par des processus violents, et notamment on sait le cas des... En Équateur, il y a deux peuples dans le parc du Yasuni qui a été l'objet d'une protection au départ l'État équatorien pour empêcher l'extraction pétrolière, mais qui ensuite, cette protection a été levée. Et de facto, ça a induit des tensions entre des peuples dits contactés, comme les Waorani, et des segments de ce peuple-là, qui étaient les Tagaeri et les Taromenane, qui se sont, eux, reculés à l'intérieur de la forêt. Souvent, les peuples en isolement volontaire, et notamment les peuples amazoniens, sont des peuples qui ont connu des contacts et qui n'en veulent pas, et qui se sont réfugiés très loin et qui maintenant sont rattrapés par les processus de colonisation extractive en particulier. On va écouter un court reportage justement au sujet de ces peuples isolés et qui date de l'année dernière. Cet homme est le dernier survivant de sa tribu. En 1995, les 6 autres membres ont été tués par des fermiers. Il avait été aperçu pour la dernière fois il y a 20 ans. Cette vidéo très rare a été diffusée le 18 juillet 2018 au Brésil par la FUNAI, Fondation Nationale de l'Indien. Mais alors y a-t-il encore aujourd'hui des tribus complètement isolées du reste du monde ? En 2008, cette tribu a été photographiée pour la première fois. On les voit ici tirer des flèches sur l'hélicoptère survolant leur village. En 2014, une autre tribu qui fuyait la déforestation de ces terres a été découverte. La tribu a dû sortir de l'isolement pour trouver de la nourriture. Au cœur de l'océan Indien, il y a aussi les Sentinelles. Une tribu isolée depuis 60 000 ans sur l'île de North Sentinel, qui fait 72 km². Cette tribu refuse tout contact avec l'extérieur. Ils attaquent systématiquement les individus qui tentent de les approcher. Aujourd'hui, il y aurait une centaine de tribus à travers le monde, dont 77 en Amazonie. Voilà, Irène Bélier, un petit tour d'horizon justement de ces peuples en isolement volontaire, c'est le terme employé, avec le cas des Sentinelles qui avait fait beaucoup parler de lui en novembre dernier, lorsqu'un jeune Américain religieux avait souhaité s'y rendre pour convertir justement ces Indiens qu'il avait tués. Les Indiens avaient tué donc ce jeune Américain. Eh bien oui, ce sont des événements que l'on rencontre de manière épisodique, d'ici de là, et effectivement, là, cette propension à aller évangéliser les autres et à essayer de les ramener dans le giron de quoi, d'une croyance, d'une autre croyance, d'une certaine façon, est un énorme problème et qui continue dans tous les espaces. Donc, on a à la fois cette volonté d'évangéliser, donc là, les sentinelles se sont défendues et l'Américain en question, il savait pertinemment qu'il devait pas y aller. Donc, quelque part, il a enfreint aussi une forme de protection qui leur était appliquée de la part de l'État indien. Et puis, on retrouve cela vraiment multiplié partout. Et l'Amazonie, aujourd'hui, est un cas tout à fait problématique. On y revient dans un instant avec, évidemment, au Brésil, l'élection de Bolsonaro qui pose beaucoup de problèmes pour ces peuples. Il y a de quoi s'inquiéter réellement. Il y a beaucoup de messages aussi pour vous, des auditeurs. Je vous les transmets dans un instant, Irène Bélier. De la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui me tiraille, le palais des autres jours. Le vent nous portera, c'était Sophie Hunger. La tête au carré. Sur France Inter. Irène Bélier, notre invitée dans La tête au carré pour parler des peuples autochtones et votre dernier ouvrage paru chez L'Harmattan, le droit des peuples autochtones, justement des Nations Unies aux sociétés locales. Et il y a beaucoup de questions des auditeurs de La tête au carré. Thierry demande aujourd'hui, quels sont les pays qui protègent réellement ces peuples alors? Et la France, par exemple, avec la Guyane? Alors c'est une excellente question parce que la Déclaration des droits des peuples autochtones a été adoptée à l'immense majorité des États qui composent le club des Nations Unies, donc 143 sur 193. Il y a eu quatre autres pays opposants qui sont les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui ont voté contre au départ et qui ont ensuite adopté cette déclaration, ce qui prouve qu'effectivement ils étaient en train d'entamer, et on était à l'époque sous Obama et pas sous Trump, un moment de réconciliation en Australie et en Canada. Ça s'est appuyé sur des excuses qui ont été prononcées par le gouvernement à l'égard des générations volées, de ces enfants qui ont été déplacés dans les pensionnats pour faire ce que le fondateur des pensionnats en question à la fin du 19e siècle, Carlyle, disait qu'il fallait tuer l'Indien pour éduquer l'homme. Et ça, c'est un vrai problème que tous les autochtones ont ressenti dans les différents continents. Tous les États donc ont adopté la déclaration et la France aussi. Mais il s'agit ensuite de rendre cette déclaration, disons, effective et de reconnaître réellement ces peuples. Reconnaître les peuples, organiser la protection légale, la protection politique, les considérer également comme des interlocuteurs, considérer également qu'ils ont des institutions propres et pas simplement qu'ils sont façonnés par le dominant. Quelle est la position de la France par rapport à la Guyane, Par rapport à ça, la France, elle a eu une déclaration en disant nous avons une politique vis-à-vis des populations d'outre-mer et donc pas des peuples autochtones, et qui consistait effectivement à dire qu'elles appliquaient une base, disons, de protection territoriale vague, très vague, comme l'a fait remarquer le représentant amérindien au Quai Branly en 2006. La France ne reconnaît que des habitants tirant substantiellement leur forêt, leurs ressources de la forêt. C'est quelle réalité d'ailleurs, les peuples autochtones en Guyane? Alors en Guyane, là encore, on n'a pas de statistiques ethniques et on pense qu'il y a à peu près 5% de la population qui est majoritairement créole. Il y a donc des peuples amérindiens qui représentent environ 10 000 personnes et il y a également les peuples noirs-marrons qui sont issus de l'esclavage et qui également sont dans une situation de fragilité relative vis-à-vis finalement des champs de développement, si l'on veut. Et le problème français en Guyane est le problème de la consultation aujourd'hui. On a parlé récemment des problèmes de la montagne d'or les méfaits de l'orpaillage. C'est ça. C'est un des gros problèmes, justement. C'est quand une industrie souhaite exploiter, par exemple, une ressource, qu'elle soit forestière ou minière. Et là, évidemment, immanquablement, on arrive sur le territoire de ces peuples autochtones. Et il faut les consulter, normalement, sur ces questions-là. La France ne l'a pas toujours fait en Guyane, loin de là. Très loin de là. Et d'ailleurs, la question de la consultation, elle est posée comme une obligation pour les États à travers un seul outil juridiquement contraignant, qui est la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, qui a été adoptée en 1989, que la France n'a pas ratifiée. En revanche, elle a été ratifiée par la majorité des pays latino-américains, sauf Caraïbes. Donc latino-américains, le Mexique l'a ratifiée, etc., dans des dates un petit peu différenciées. Jusqu'en 2008, le dernier à ratifier, ça a été le Chili. Et donc là, il y a une obligation de consultation pour toutes les affaires qui concernent les autochtones. Mais après, la question reste posée de savoir ce qu'on met dans la consultation. Est-ce qu'on consulte pour la création d'un ministère ou est-ce qu'on consulte pour les investissements directs dans les territoires? Et là, c'est là que le bât blesse. François demande, est-ce que ces peuples sont appelés à disparaître à plus ou moins longue échéance? Et quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur eux? Elles sont sérieuses. Ces menaces sont extrêmement sérieuses. Elles sont effectivement, on tend maintenant à vouloir débarrasser les territoires qu'ils ont conservés jusqu'à présent d'une manière... les processus de colonisation s'appuient évidemment sur reléguer ces peuples autochtones ailleurs. Donc en Asie, ils sont remontés dans les montagnes et ailleurs, ils se sont réfugiés par exemple en Amazonie. Aujourd'hui, ces territoires sont l'objet de très très grandes convoitises de la part des industries extractives, forestières, pétrolières et autres, occidentales mais aussi chinoises. Mais il faut craindre concrètement pour la vie de ces personnes. Bien sûr, bien sûr. On peut parler de massacre encore aujourd'hui? On peut parler de massacre, on parle surtout aujourd'hui d'assassinat des leaders. C'est un phénomène que l'on remarque partout, que d'ailleurs le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme a remarqué. Dans les assassinats, disons, de défenseurs des droits humains, les autochtones représentent 40%, sachant qu'ils ne sont pas 40% de la population mondiale. Ça représente un énorme enjeu et ce sont des causes à la fois autochtones, mais surtout des causes environnementales qu'ils défendent. Et aujourd'hui, l'enjeu est très fort autour de la contamination des eaux par la liquéfaction, par le pétrole, par les résidus miniers, par ces barrages qui rompent théâtre. On en a eu récemment à Brondinho, au Brésil. Absolument, aussi. Ouais. Et c'est ça que dénoncent les autochtones. Ouais. C'est un modèle de développement qui est absolument néfaste, évidemment pour eux, mais aussi pour la planète. On voit le mépris du président brésilien, hein, Bolsonaro, sur ces questions. Il est très clair, hein, là-dessus. C'est-à-dire aucune considération, avec une confiscation même de la prise en charge, on pourrait dire, de ces peuples par la Fundaï. Oui. Alors le problème que représente aussi bien Bolsonaro que Trump, c'est qu'ils ne veulent absolument pas reconnaître ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc à être culturellement différents, à avoir des pratiques culturelles, des rituels, des manières d'être, des langues distinctes. Et on parlait un peu de biodiversité tout à l'heure, et il faut savoir que à l'échelle de la planète, un chiffre circule qui n'est pas tout à fait évident à vérifier, mais on aurait à peu près 6800 langues et cultures différentes. Mmh. Et les peuples autochtones sont représentants de l'immense majorité de cette différenciation-là. Au Brésil, donc, c'est la FUNAI jusqu'à maintenant qui s'occupait des peuples autochtones? Alors, la FUNAI a pris la place, effectivement, du service de protection des Indiens mis en place dans les années 50. Ouais. La FUNAI, maintenant, privée de moyens financiers, a été rattachée au ministère de la Justice. Les activités de protection qu'elle portait, et notamment la problématique de la démarcation territoriale, sont passées du côté du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'on a remis dans les mains du lobby agraire le sort des Indiens d'Amazonie. Sachez que les Indiens au Brésil disposent de 13% du territoire, ce qui est en soi une certaine valeur, mais ils sont 49% en Amazonie. Donc c'est toute la survie de ces peuples-là qui est menacée par la volonté de développer le soja et le bœuf, lequel va arriver dans les assiettes occidentales, européennes, peut-être françaises. Alors c'est ça, parce que c'est un peu le mot de la fin, pourquoi pas, pour conclure sur cette question-là, mais il faudrait accorder encore d'autres émissions à ce sujet passionnant. C'est que, on le disait tout à l'heure, il y a une sorte d'impression d'éloignement de ces peuples. Or, on est complètement concerné directement, et que la question de la biodiversité, la richesse de la diversité aussi de ces peuples, on doit en être conscient aujourd'hui ici. On doit être conscient non seulement de la richesse de ces peuples, mais de leur capacité à maintenir la biodiversité environnementale. Mm-hmm. Parce qu'ils ont des connaissances et des savoirs remarquables, que d'ailleurs les entreprises pharmaceutiques s'efforcent éventuellement de s'approprier, d'exploiter. Mm-hmm. On parle beaucoup de biopiraterie à cet égard. Et quand on parle de pays mégadivers, la Colombie par exemple est un pays mégadivers. Il faut savoir que mégadivers, ça veut dire qu'il y a vraiment une biodiversité florale et faunique importante. Et il y a 107 peuples autochtones en Colombie par exemple, 34 qui sont en voie de disparition, l'objet d'une protection par la Cour suprême. Mais ce sont tous les processus qui vont contacter ces peuples-là et les empêcher de tourner en rond d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand il y a un phénomène de déforestation par exemple, ce sont des arbres qu'on abat, mais ce sont des populations qu'on fait disparaître, et donc des langues aussi qu'on fait disparaître, totalement. Des cultures qui disparaissent. Totalement, ce sont des langues, des cultures qui disparaissent. Il y a aussi, lorsqu'on abat des arbres, du gibier qui s'en va. L'accroissement de la pression démographique locale fait que le gibier et la pêche disparaissent. La pollution des rivières, la contamination par le mercure ou par les résidus miniers fait que des rivières entières sont en train de mourir. Et c'est pour cette raison-là que d'ailleurs les peuples autochtones ont contribué également à essayer de protéger les rivières, de faire que des rivières reçoivent une personnalité juridique afin qu'elles puissent être effectivement défendues en droit. Parce que la personnalité juridique, c'est pas seulement la possibilité de dire « moi, je », c'est aussi d'être défendu par le droit, et c'est ça l'enjeu des droits des peuples autochtones. Merci beaucoup Irène Bélier d'être venue nous en donner un bref aperçu, parce qu'on pourrait en dire beaucoup beaucoup de choses encore, mais on aura l'occasion de le faire dans cette émission. En attendant, on peut vous lire aussi avec vos collègues, vous avez fait un très gros travail de publication aux éditions de l'Harmattan, le dernier donc en date s'appelle « Les droits des peuples autochtones », mais il y avait également « Peuples autochtones dans le monde » et d'autres concernant l'éducation, la terre, les territoires et les ressources, donc aux éditions de l'Harmattan. Merci beaucoup d'être venu chez nous cet après-midi. Merci à vous Mathieu Villard. Au revoir. Merci aux auditeurs. La science grand format, en partenariat avec France 5. Bonjour Thierry Minot. Oui, bonjour Mathieu. Aujourd'hui, ce soir, 20h50, le documentaire sur France 5 va nous raconter les premiers instants de l'univers, tout simplement. Oui, on parle bien entendu du Big Bang qui aurait eu lieu il y a à peu près 13,8 milliards d'années et qui marque le début de la dilatation et de l'expansion de l'univers. Alors, c'est très certainement l'un des mystères aujourd'hui qui intrigue le plus les scientifiques. Alors, aujourd'hui, grâce aux télescopes et aux nouvelles générations d'ordinateurs, on peut s'approcher au plus près de cet événement. Alors, Thierry, que va nous apprendre de plus ce soir ce documentaire que nous ne sachions pas déjà, et comment s'y prennent les scientifiques pour remonter si loin dans le temps? Alors, tout d'abord, le documentaire va s'attarder dans un premier temps sur les expériences qui sont menées en laboratoire par ces mêmes scientifiques. Mmh. Ils sont capables de recréer des conditions similaires à celles de l'univers pour retracer les étapes de la formation de l'univers par un ordre chronologique décroissant jusqu'à une microseconde après le Big Bang, quand la matière n'existait pas. Mmh. On va aussi s'intéresser au prochain super télescope, le fameux James Webb télescope. Alors, ce télescope a été développé par la NASA conjointement avec l'Agence spatiale européenne. Sa mise en orbite est prévue à peu près en 2021 et lui, il aura pour mission de remonter le temps pour rechercher la lumière des premières étoiles et donc des premières galaxies qui sont apparues juste après le Big Bang pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Et on va écouter tout de suite un extrait de ce documentaire sur le Big Bang. En parvenant à entrevoir la première microseconde après le Big Bang, les chercheurs ont réussi un exploit qui dépasse de loin les capacités des télescopes ordinaires. Mais que s'est-il passé avant cette microseconde? Ce premier instant reste un mystère pour nous. On essaie de résoudre un casse-tête qui ne répond même pas aux lois de la physique moderne. Et Thierry, le documentaire de ce soir envisage également l'existence d'un autre univers avant le Big Bang, rien que ça. Oui, alors c'est, en plus des théories classiques que l'on connaît, on a souhaité dans le documentaire aborder d'autres pistes qui sont aujourd'hui défendues par des astronomes du monde entier. Alors vous y avez, je crois, même consacré une émission spéciale l'année dernière. Alors, en quelques mots, ces scientifiques travaillent sur plusieurs hypothèses, comme la théorie par exemple des cordes ou de la gravité quantique en boucle, qui remettraient donc en cause même l'idée du Big Bang comme l'étincelle de la création de l'univers. Rien que ça, et on va tout comprendre ce soir à partir de 20h50. Ce sera dans la case Science Grand Format sur France 5. Merci beaucoup Thierry Minot. Merci à vous Mathieu. À bientôt. Ainsi s'achève notre tête au carré aujourd'hui. Merci à Patrick Henry qui était aujourd'hui à la technique. Et demain, ce sera le club des têtes au carré. On parlera d'un fan en Laponie. Nous irons également sur les volcans du monde. Et on parlera de la question des mini-barrages électriques en France.